et j'ai spawn, le sable dans les yeux. La plage brûle, mais l'horizon est bleu. Race m'appelle, ses flammes en sorcelle. Cowboy de drill, la légende se révèle. Chaque coup de marteau résonne comme un beat. Chaque planche claque comme un snare qui s'invite. J'construis ma base sur vos cadavres. Riders qui le jugement qui s'abat. Vos tours elles chantent mais mes balles prient. Chaque wall rig tombe, chaque rêve fouille. Vos coffres pleurent sous mes mains calleuses. La drill s'élève, vos voix sont honteuses. Riders kill, rise. Cowboy drill in your broken sky. No safe zone, no prayer, survive. I'm the ghost that keeps alive. Pour ça c'est quatre. Que la porte s'arrache, fait vibrer les zoïdes, que la base s'efface. Devoir rock et co-métallique, drill et western, un mélange tragique. La poussière danse sous mes Timberland, les chevaux meurent remplacés par le sang. Tunnel mili, je suis l'ombre enragée, chaque pas pèse comme un drap piégé. Rider still rise. Cowboy drill in your broken sky. No safe zone, no prison. Les flammes dévorent, vos cris s'éteignent. Mon nom résonne, vos rêves s'éteignent. Le Far West vit dans ce monde rouillé. Drill éternel, cowboy damné. Chaque note perce comme un cri du désert. Chaque iso et tombe comme un marteau de fer. Vos basses pleurent, vos clans s'effondrent. Riders kill chante, vos âmes succombent. Riders kill rise. Cowboy drill in your broken sky. No safe zone, no prayer.